système scolaire, politique, corruption, police, système carcéral, chômage, haine raciale, substance hallucinogène, les femmes, j'ai une grande gueule donc je l'ouvre, personne ne me fera la fermer. Esprit contradictoire, tout ce qu'on peut pas je me le permets. On dit que j'y permets, je m'en bats les couilles mais ils m'ont germé. Avec mes frères, pour me faire taire faudrait m'enfermer. Mes textes perversaires, mes alliés avant mes adversaires. Aborde comme un corsaire, je concentre dans les concerts. Lève le majeur, pour tous les esprits tapageurs. Lève les meutes, rêve des meutes, nique les crânes rasés en ranger. Ravengeur, contre ces milices organisées. On croit pas quand je dis que, même dans nos polices on s'y est spécialisé. Avant les films de Kev, ça me laissait rêveur. Après une soirée et au poste, ça n'avait plus la même saveur. Aujourd'hui, la PAC, je la nique. La haine des keufs chez nous est un sentiment mécanique. Faut que ça panique. Jusque chez les fronts nationalistes. Ici, c'est le dissident, mec qui vient dresser la liste de ceux qui me prend la tête dans ma vie. T'es pas de mon avis. Gravis les échelons, les obstacles de la vie. Dis les choses, même si elles sont dures, si elles sont tristes. Ici, c'est le dissident, mec qui vient dresser la liste de ceux qui me prend la tête dans ma vie. T'es pas de mon avis. Gravis les échelons, les obstacles de la vie. Dis les choses, même si elles sont dures, si elles sont tristes. Ici, c'est le dissident, mec qui vient dresser la liste. Je peux pas passer les points. C'est pour ça qu'on se venge. Plutôt qu'un mensonge qui arrange, mieux vaut une vérité qui dérange. Y'a plein de récits tristes ici dans 9-4. Vite voyou, j'ai côtoyé sur le bitume, mais faut que je le relate. L'état nous ronge pire que le cancer de la prostate. Constate pour un kill, les constats dans une rue étroite. J'écris ces lignes à deux jours des élections. Descendre tous ces bouffons, mon thème de prédilection. Et dis-moi comment faire abstraction. En crépuscule et ombre, la merde pousse à l'insurrection. Chez moi que les keufs, on tape pas dans le même ballon. Faire un dunk, l'inspecteur qu'on voit mes frères au ballon. Prends mon temps pour écrire une liste longue, celle de Schindler. L'esprit dissident, et bientôt faudra que t'encaisses l'air. J'en baisse l'air, avec un son qui claque la batterie. Et si je m'en sors demain, sois pas hypocrite dans tes flatteries. Ce qui me prend la tête dans ma vie, t'es pas de mon avis. Gravis les échelons, les obstacles de la vie. Dis les choses, même si elles sont dures, si elles sont tristes. Ici c'est le dissident, mec qui vient dresser la liste de ceux qui me prend la tête dans ma vie. T'es pas de mon avis. Gravis les échelons, les obstacles de la vie. Dis les choses, même si elles sont dures, si elles sont tristes. Ici c'est le dissident, mec qui vient dresser la liste. Des sucs dans les tests, on manque d'espèces, mais pas d'espace, donc je dresse une liste épaisse de tout ce qui dépasse ici. Plus je vieillis et plus je perds la raison. C'est toujours le même, tandis je vois toujours pas l'horizon. J'en perds le sourire, hier monte à loin les fous rires. Aujourd'hui j'ai plus le time pour payer le loyer, je dois courir. J'ai plus d'espoir, j'en ai même perdu mon inspire. Sais-tu qu'il y a rien de bon ici, pas même l'air qu'on respire. Triste réalité, à forger ma mentalité. Le manque d'égalité nous plonge dans l'illégalité. Y'a trop de choses qui me prennent la gueule dans ma vie, putain. Si je vis une vie en rose, c'est que je suis dans le besoin. On dit que dans mes textes, y'a pas assez de tendresse. Peut-être parce que jour après jour, j'entends mon cœur se fendresse à cause de ce que je vis. Donc vas-y, je fais ce que je peux. Je dresse une liste pour que les frères agissent. Donc écoute un peu. Ce qui me prend la tête dans ma vie, t'es pas de mon avis. Gravis les échelons, les obstacles de la vie. Dis les choses, même si elles sont dures, si elles sont tristes. Ici, c'est le dissident, mec qui vient dresser la liste de ceux qui me prend la tête dans ma vie. T'es pas de mon avis. Gravis les échelons, les obstacles de la vie. Dis les choses, même si elles sont dures, si elles sont tristes. Ici, c'est le dissident, mec qui vient dresser la liste de ceux qui me prend la tête dans ma vie. Trop de conneries hier et aujourd'hui, je suis pas ravi. J'suis pas...